À que nos pères étaient heureux, quand ils étaient à table, le vin coulait à côté d'eux, le vin coulait à côté d'eux, cela leur était agréable, ils buvaient dans le tonneau, comme des trous, mon bleu, bien autrement que nous, mon bleu, bien autrement que nous. Il n'avait ni riche buffet, il n'avait ni riche buffet, ni verre de Venise, mais ils avaient des gobelets, mais ils avaient des gobelets, bien plus grands que leur barbe grise. Ils buvaient dans le tonneau, comme des trous, mon bleu, bien autrement que nous, mon bleu, bien autrement que nous. Il ne savait ni le latin, il ne savait ni le latin, ni la théologie, mais il savait le goût du vin, mais il savait le goût du vin, c'était là leur philosophie. Ils buvaient à leur tonneau comme des trous, comme des trous, bien autrement que vous, mon bleu, bien autrement que nous. Quand ils avaient quelques chagrins, quand ils avaient quelques chagrins, ou quelques maladies, ils plantaient là leur médecin, ils plantaient là leur médecin, apothicaire ou pharmacie. Amis, buvons à nos tonneaux, comme les trous, mon bleu. L'avenir est à nous, mon bleu. L'avenir est à nous.